Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où j'ai la chance aujourd'hui de m'entretenir par téléphone avec Sophie Clavelier-Dubos, directrice de la maison d'édition Dracar. Bonjour Sophie. Bonjour Sarah. J'espère que tout va bien pour toi. Oui, très bien. Bon, alors comme d'habitude, le format de l'émission va se dérouler en présence d'un invité en 5 questions qui te sont exclusivement dédiées. À laquelle tu réponds. On va faire quelques pauses musicales et en dernière partie d'émission, on va présenter le caprice de la semaine. Donc, toi, si tu le souhaites, hein, si tu as eu un coup de cœur sur un livre, ou moi, ou les deux. Voilà, on fera en fonction. Alors, Sophie, on commence tout de suite. Peux-tu nous expliquer comment sont nées les éditions Dracar et à quelle date ? Alors, on a ouvert le 1er septembre 2020, donc en pleine période de Covid, entre deux confinements. Oh là là, c'était un pari risqué, quoi. Oh là c'était là. Un pari risqué, mais en fait, quand on l'a fait, on ne pensait pas qu'il y aurait un deuxième confinement à la suite. Ah donc, oui. Donc voilà. Alors, Dracar est né dans ma tête depuis très longtemps. Ok. Puisque moi, j'ai fait des études littéraires et mon souhait depuis très jeune, c'était vraiment de travailler soit dans la littérature, soit dans l'art cinématographique. Ok. Et puis, la vie a fait que j'ai eu des enfants, je suis partie vivre à l'étranger, etc. Donc, à un moment, la vie prend le dessus et puis mes enfants ont pris leur envol. Un week-end, j'étais avec deux de mes amis et puis je leur raconte mon projet, mon envie. Ouais. Et il y en a une qui est une très grande lectrice aussi, Shirley, ouais. qui me dit « Ah mais attends, moi je le fais avec toi, on l'ouvre ensemble. » Et puis la troisième qui était là, qui elle ne lit pas, mais on est très proches toutes les trois, dit « Mais okay. vous n'allez pas faire ça sans moi, donc je le fais avec vous. » Et génial. Oh, c'est super. Dans un jacuzzi, on a décidé qu'on ouvrirait Dracar quelques mois après. Et ça, c'est fait. Mais c'est génial. C'est super. Enfin, ça nous fait presque rêver, du coup, tu vois. Oui, oui, oui. Et puis, après, on s'est lancé. C'est vrai que, au final, ça n'a pas été si simple qu'on se l'imaginait, ouais. étant donné qu'on n'a pas choisi. Enfin, c'était pas la période idéale. Hein. Plus d'accès à la culture. Ouais, c'était compliqué. Nous, ouais. nous faire connaître pour un démarrage, ça a été compliqué. Ouais. Après, ce que tu peux te dire, c'est que ce sera jamais aussi compliqué du coup. C'est ça. Vous avez sûrement, alors je dis vous en parlant de toutes les trois, mais je pense que vous avez traversé le pire. Voilà, donc quand tu as pu traverser ça, tu peux tout traverser après. C'est ça. Tu Maintenant, on ne peut que aller de l'avant et plus haut. Alors, certains auteurs ont déjà une certaine notoriété. Alors, David Lascoux, par exemple, hein, que moi, j'ai déjà interviewé par téléphone aussi il y a quelques semaines. Comment oui, est-ce parce que lui, il est très loin. Aussi. Voilà, oui. Comment choisit-on les talents de demain chez Dracar Édition? Comment ça se passe? Alors, on reçoit les manuscrits. Mmh. Par mail, ouais. Ils partent en comité de lecture. Ok. Et en fonction des retours du comité de lecture, donc soit les avis sont tous négatifs et dans ces cas-là, j'ai envie de dire malheureusement on ne se pose pas de questions puisque c'est un panel de lecteurs d'âges différents, de catégories sociales différentes, avec des goûts différents aussi de lecture, avec je suppose. Avec des goûts différents de lecture et si c'est mitigé ou si tous les avis sont positifs, je lis le manuscrit. Ah d'accord, tu le lis en dernier du coup. Okay. Je les lis en dernier. D'accord. Je lis le manuscrit et ensuite, Shirley, Muriel et moi, on en discute toutes les trois. Si on a des doutes, on peut contacter des gens du comité de lecture pour en discuter également avec eux. Et ensuite, on prend notre décision. Alors, c'est pour ça que le processus chez nous est un peu long. Ouais. Parce que tout se passe entre mes mains. Et c'est vrai que, entre tout le travail qu'il y a à faire sur les sorties en cours, plus lire les manuscrits. Ouais. Et en même temps, je trouve ça très important que moi, je les lise, puisque on va travailler en direct avec l'auteur. C'est important qu'on puisse, que nous, chez Dracar, on puisse avoir lu le manuscrit. Je trouve ça même super parce que c'est aussi respectueux envers l'auteur qui tente sa chance. Et du coup, une fois que c'est écrémé, toi, tu lis le manuscrit et je pense que ça permet d'être beaucoup plus objectif, quoi, que ça passe dans tes mains. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Et puis, il y en a qui sont top, où tout le monde les aime. Ouais. Et moi, quand je vais le lire, je vais dire oui, mais ça, par exemple, ça ressemble trop à tel roman ouais. qu'on a déjà sorti ou qu'on a déjà signé. Et du coup, ça donne pas la chance à celui-ci. Parce qu'on a quelque chose de trop ressemblant. Parce que ça aussi, c'est important. C'est que on veut pas non plus avoir des œuvres qui sont trop proches les unes ouais. des autres. Et puis, du coup, ça t'oblige à avoir, toi, une culture littéraire à côté. Donc, il faut aussi avoir le temps de se renseigner quelque part. Parce c'est que ça. Pour faire des points de comparaison, tout ça, moi, je vois, même au niveau de l'émission de radio, je dis, il faut avoir aussi des points de comparaison. Ça demande d'être toujours en accès à la culture et à la littérature, quoi. C'est tout le temps. Ah ben, passe en dehors du travail, je passe aussi beaucoup de temps dans les rayons des librairies, justement, pour regarder ce qui sort, pour aller vérifier que je ne vais pas prendre quelque chose qui existe déjà. Bien sûr. Voilà. Ouais. On va faire une courte pause musicale et on revient juste après. Caprice de lecture sur Fadjet. Ça va pour l'instant, Sophie ? Oui, très bien. Bon. Vous avez également une collection pour les kids. Alors, c'est rare, dans une jeune maison d'édition, on va dire, ça se développe souvent après. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Parce qu'elle est, si j'ai bien compris, elle a été lancée en même temps que tout le reste, en fait. Alors, peu après. Ah, d'accord. Peu après. Ouais. Assez rapidement, effectivement, puisque, en fait, l'auteur qui a écrit cette collection, Les Princesses Ordinaires, oui. M'avait contactée au départ pour un autre projet que je n'ai pas pris. Ok. Et par contre, il m'a parlé de ses princesses, qu'il avait, lui, en projet depuis très longtemps. D'accord. Et quand il m'a montré les premières illustrations qu'avait faites Olivier Fagnière, mm-hmm. et les histoires et le concept, j'en ai parlé avec les filles et on est vraiment toutes les trois tombées amoureuses du projet. Ok. Parce qu'on est quand même toutes les trois mamans. Shirley, elle a même une petite fille qui a 6 ans, donc. Oui. C'est le public parfait. Voilà, c'est le public parfait. Bien sûr. Et on est vraiment tombées sous le charme de ces princesses, de tout ce que ça peut apporter aux parents comme aux enfants. Mmh. Puisqu'on est vraiment sur des thématiques sur chacune des princesses. Oui, parce qu'il y a la dimension pédagogique aussi derrière. C'est ça. Il n'y a pas que le dessin, l'histoire, il y a toujours le petit... Il n'y a pas que le dessin et l'histoire, il y a toute la dimension pédagogique. Si on prend la toute dernière qui est sortie, c'est Princesse Gargouille, oui. qui est une princesse en fauteuil roulant et qui permet aussi de discuter avec les enfants du handicap, du regard... que les gens portent sur le handicap et on s'est toujours dit que voilà si on amène les enfants dès le plus jeune âge à regarder les gens en situation de handicap oui. Exactement comme n'importe quelle autre personne, bah, il n'y aura plus cette différence dans le regard. Bien sûr. Et c'est ce qui est important. Et puis, moi je me dis, les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, donc c'est maintenant quoi. C'est exactement ça. C'est maintenant, hein, complètement. Alors, quatrième question. Le délai de réponse aux auteurs, j'ai regardé hein, sur le site internet, est à peu près de 6 mois. C'est le délai que vous annoncez. Ouais. Est-ce que c'est parce que vous recevez beaucoup de manuscrits ou alors parce qu'il y a eu un début de réponse à cette question en fait. Vous dites mais nous on prend le temps. Il y a le comité de lecture. Après moi je reprends derrière. Hein, je lis en dernier. J'attends que ce soit un peu écrémé quelque part par le comité de lecture. Vous recevez combien de manuscrits par an, à peu près ? Est-ce que vous êtes assaillie de demandes ou est-ce que, voilà, ça se passe comment ? Alors non, on n'est pas assaillie de demandes parce qu'on reste sur un credo aujourd'hui qui est uniquement la littérature noire. Ouais. Mais on en reçoit quand même, là par exemple, si je prends depuis le début de l'année, ouais. donc depuis le mois de janvier, on est en avril... on en est à une vingtaine de manuscrits reçus. Ah, quand même. Ouais. Oui. Parce que moi, je me disais, pendant les confinements successifs, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont découverts une vocation d'écrivain. Je ne sais pas si... Voilà, est-ce que tout le monde peut être écrivain ? Et c'est vrai qu'il y avait eu une espèce d'engouement complet. Où les... Alors, tout à l'heure, tu me parlais de David Lascoux. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé pour David. C'est-à-dire ouais. que pendant le premier confinement, il a commencé son premier roman. Mm. Et depuis, il ne s'arrête plus. Hein. Oui, il écrit. Enfin, après, en même temps, moi, je pense que lui, dans 2 ans, voilà quoi, il sera... Ben, j'espère. Oui, oui. Si, si. Franchement. En plus, pour avoir eu en entretien, il était vraiment, c'était vraiment super. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui est passionné. Donc, c'est génial, en fait. C'est vraiment bien. C'est chouette. Oui, oui. Et puis, j'ai aussi d'autres auteurs, comme tous les autres. Oui. Ellie Chalowan, qui, elle, on a sorti une dark romance, oui. Mais qui a d'autres projets. Donc, elle a un deuxième roman qui doit sortir chez nous cette année. Et elle a déjà un autre projet pour 2023, qui est quelque chose en littérature adulte qui ne se fait pas encore. D'accord. Et voilà, on en a certains dans l'équipe, oui, qui ont des idées extraordinaires. Ouais, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a encore de belles choses à faire. C'est bien, c'est super. Oui, il y a de belles choses à faire. Et puis, c'est vrai que je pense que le fait qu'on soit une petite maison d'édition et qu'on soit indépendant permet aussi un lien entre les auteurs et nous qui leur donne plus de possibilités de réaliser leurs envies. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme des grandes maisons d'édition fermées et catégorisées. Oui. on laisse libre cours à leurs esprits et à leurs divagations et à tout ce qu'ils peuvent avoir envie de nous proposer. Complètement. On va faire une coupure musicale et on revient pour la dernière question. Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Prise de lecture sur Fadjet. Alors, on y va, dernière question. Quels sont les projets de Dracar Édition pour 2023? Est-ce qu'on aura de nouvelles surprises? Est-ce qu'il y aura, une nouvelle gamme de littérature? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Sophie? Alors, pour 2023, on aura un peu plus de nouveautés qu'en 2022. Ok. Parce que 2022, on s'est pas mal concentré sur les seconds romans des auteurs qu'on avait déjà chez nous. D'accord. On a très peu pris de nouveautés. En 2023, on a deux projets. Donc, on a des projets de nouveautés sur les romans. D'accord. Puisqu'on va prendre des nouveaux auteurs. Les nouveaux auteurs qu'on signe maintenant sont pour 2023. D'accord. Et on voudrait développer la collection jeunesse. OK. Dans deux domaines. Ouais. Dans des romans pour les jeunes. Ouais. Pour les jeunes adolescents. Voilà, ça allait être ma question. Parce qu'il y a les jeunes ados, les grands ados, les adolescents maintenant. C'est plus sur les jeunes ados. Donc, on voudrait du roman jeune ado. Donc on serait plutôt sur du 10-12 ans, c'est ça à peu près? Jeunes ados, pré-ados. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Jeunes ados, pré-ados. Et l'autre gros projet qu'on a, on espère pouvoir le mettre en place en 2023, ce serait d'ouvrir une collection manga. Ah oui, super. Alors, pas du tout, parce que nous, on en lit. Aucune de nous trois ne lit du manga. Mm-hmm. Par contre, nos enfants en lisent beaucoup. Et du coup, on a le comité de lecture tout trouvé, j'ai envie de dire, déjà pour le démarrage. Clairement. Ça, c'est bien. Et puis, les enfants ne mentent pas. Hein. Enfin, je veux dire, c'est bien, ils le disent. C'est pas bien, ils le disent. Ils font pas semblant, quoi. Voilà, ça, c'est bien. Ça. Et puis, le souci qu'on a quand même sur un comité de lecture adolescence, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que autant sur les adultes, quand on leur fait signer un accord de confidentialité ouais. pour être dans un comité de lecture, ça pose pas de, il oui. y a pas de souci particulier. En revanche, expliquer à un adolescent la notion de confidentialité, qu'il faut pas qu'il le donne à c'est un déjà copain plus ou copine, compliqué. Qu'il en parle, c'est ouais. déjà plus compliqué. Ouais, complètement. Alors qu'avec nos propres enfants, ils savent déjà ce qu'on fait, ils savent l'importance que ça a, cette confidentialité. Mm-hmm. Et du coup, c'est quand même plus simple. À nous trois, on en a six. Moi, mes enfants, sur mes deux garçons, il y en a un qui a une petite amie qui lit énormément de mangas. Donc, voilà, je pense que... Ouais, c'est bien. C'est de beaux projets. Chez nous, très proches, on peut garder cette notion de confidentialité, mais le faire lire à différentes catégories ouais. d'âge. Mm-mm. Est-ce que tu peux, avant qu'on clôture cette émission, nous faire part, Sophie, d'un caprice de la semaine qui est donc une lecture que tu as aimée et que tu as envie de partager ? Alors, des lectures que j'ai aimées, il y en a beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup. Sinon, je ne me serais pas lancée dans l'édition. mais en fait, je vais profiter de ce moment pour parler plus d'un roman que moi, j'ai édité et sur lequel j'ai eu un coup de cœur, qui est notre prochaine sortie, ouais. Qui est Nora, de David Lascou, ouais. qui sort le 30 avril. Donc, tout bientôt, là. C'est voilà. ça. David m'a envoyé Nora, il m'a envoyé le manuscrit de Nora. Je partais en vacances. Ouais. J'ai lu Nora pendant mes vacances. J'ai quasiment pas pu lâcher le manuscrit pendant tout le temps où je l'ai eu. Alors, j'avais déjà eu à l'époque un coup de cœur sur Dédoublement. Oui, il est parfait, Dédoublement. Il est... Voilà. Ouais. Et pour moi, Nora est encore au-dessus de Dédoublement pour la simple raison que le style de David s'est affirmé sur ce deuxième roman. D'accord. Sa façon d'écrire, son intrigue. On sent qu'il a gagné en maturité, alors, peut-être. Il a gagné en maturité ouais. et son style s'est encore plus affirmé dans okay. Nora, oui. Donc super, donc une belle découverte que moi j'ai hâte aussi de découvrir. Oui, oui, mais tu l'auras bientôt. J'ai trop hâte, j'adore. En tout cas, merci Sophie de nous avoir accordé ce temps, je suis ravie. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du site internet des éditions Drakkar, s'il te plaît ? Alors le site internet, c'est très simple, c'est drakkar-éditions-au-pluriel.com. Ok, et de toute façon, j'en ferai référence sur le site internet capricedelecture.com. FR. Merci super, à toi Sophie, merci c'était beaucoup. Super. À très bientôt. Merci et bonjour à Janine. Bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.